بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ درسنا في هذا اليوم نخبر إخواننا الأفاضل بموت والدة شيخنا يحيى حفظه الله في هذا اليوم، ونطلب من الجميع الدعاء لها بالرحمة، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرحمها رحمة واسعة. Donc avant qu'on rentre dans notre cours habituel, on a appris aujourd'hui la mort de la mère de notre cheikh, cheikh Yahya, hafizahullah wa ra'ah. Donc elle est morte aujourd'hui, et on demande à nos frères et à nos sœurs de faire des du'as pour elle, qu'Allah lui fasse miséricorde. وما وفي الحقيقة يا إخوان شيخنا لا يزال في بلاء، يخرج من ابتلاء إلى ابتلاء آخر، فقد كما تعلمون فقد توفي أخوه وابنه لما كنا في الدمام، والآن أمه، ونحن نعتبر ذلك علامة لمحبة الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. Et donc notre cheikh cheikh Yahya n'a de cesse d'être éprouvé. Comme certains d'entre vous le savent, il a déjà perdu son fils ainsi que un de ses frères pendant que nous étions à Damas. Et il a perdu énormément de toulab. Il a perdu énormément d'élèves. وكان يعتبر طلابه كأبناء. Et il considérait ses élèves comme ses enfants. نعم. فتوفي في هذا اليوم أمه. توفيت. Et nous, on espère que ceci est un signe d'Allah Azza wa Jal, un signe prouvant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cet homme. Car certes, le prophète alayhi salatu wa salam a dit: si Allah il aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui agrée l'épreuve, Alors Allah subhanahu wa ta'ala descendra sur lui l'agrément, son agrément. Et celui qui se met en colère contre son épreuve, alors Allah se mettra en colère contre lui. Wal hadith sahih rawahu at-Tirmidhi. Na'am. Wa fi al-haqiqa ya ikhwan, hatta wa in kanat hadhihi al-ibtila'at 'azima fi nafs al-shakhs, في نفس الحال هي كرامة من الله عز وجل. Et même si on peut voir que ce genre d'épreuves sont de grandes épreuves pour une personne, le fait de perdre son enfant, le fait de perdre sa mère, le fait de perdre son frère, le fait de perdre ses élèves, tout ça, il a chaque que c'est des grandes épreuves. Mais en vérité, malgré que c'est une grande épreuve, ça reste un bienfait et un miracle d'Allah Azza wa Jal. Fa innaha qad tufiyat fi khair al-biqa' ala wajh al-ard. Car sa mère, elle est morte dans le meilleur endroit de la terre, Mecca al-Mukarrama. Elle est morte à Mecca. وما كانت بمكة إلا قبل أشهر يسيرة. Elle n'était pas à la Mecque, si ce n'est depuis quelques mois. Enfin, c'est un tawfiq d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah ait facilité à Cheikhouna Yahya, qu'il ait pu la faire venir avec son autre grand frère, et qu'elle ait pu rester avec lui à Mecca, في Ramadan. Hein? في Ramadan. ثم بعد Ramadan, رحلت إلى مرحلة أخرى, مرحلة التي لا بد منه لكل أحد, كل نفس ذائقة الموت. Et ensuite, après le mois de Ramadan, elle est partie vers une autre étape, une étape qui est un point de passage pour toute personne. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute personne goûtera la mort. وأخوه مات على الخير الذي تعرفونه وابنه كذلك. Et son frère, il est mort dans le khair que vous connaissez. Ainsi que son fils. Et la totalité de ces toulabs, ils sont morts dans un khair. Enfin, même si c'est des épreuves qui sont difficiles à la nufus, nahmadullah ala kulli hal. On remercie Allah et on le loue. Car, fi'lan, il a fait preuve de lotf. Wa la yazal yaltuf bina wa bi shaykhina. Hatta... يبقى هو وطلابه في دائرة العلم والدعوة إلى الله وهذا من أعظم الكرامات أن الأخ أو الشيخ أو الأخت أو أي أحد يستمر في طلب العلم ويستمر في نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل. Et ça fait partie des meilleures, des plus grandes karamates qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ait pu combler notre shir, ainsi que une grande partie de ses élèves, le fait qu'ils soient toujours dans talab al-ilm. Qu'ils soient toujours dans talab al-ilm et dans le fait de prêcher à Allah et d'appeler à Allah. Fa Cheikhuna Yahya qabla akthar min 20 aman ou 20 aman نذر لله نذرة أن لا يترك طلب العلم ولا يزال في طلب منذ ذلك العهد وهذا توفيق من الله عز وجل. شيخنا يحيى a fait le vœu de ne jamais laisser طلب العلم jusqu'à la mort. تمام. Et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours dans Talab al-Ilm. فَلْيَقُولُ الْأَعْدَى مَا شَاءُ فَلْيَقُولُ الْأَعْدَى مَا شَاءُ وَنَحْنُ سَاكِتِينَ نَحْنُ سَاكِتُونَ مَا يَحْتَاجْ مِنَّا أي كلام رد فعل ولا يعني أفعال الشخص يفسر نفسه. Et nous, en vérité, يعني les ennemis de cette da'wa, les ennemis de Cheikh Yahya, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Maintenant, alhamdoulilah, on est arrivé à une situation où on n'a pas besoin de parler, on n'a plus besoin d'évoquer qui dit vrai, qui dit faux, que ceci. Là, on n'a plus besoin. On dit juste Al-Ayam Tabdu Bima Talit. On dit juste que les jours et les nuits vont montrer ce qu'elles recèlent. Et on attend. Ida kana ala al-batil sayura, ida kana ala al-haq sayura. Wa la yazal fi da'ira al-fadl wal-fadila. يتقلب من نعم إلى نعم آخر ومن عبادة إلى عبادة آخر كان في الدماج واشتمل على جميع العبادات. Lorsqu'il était sur un dammage, il a pu faire toutes les adorations qu'un croyant يتمناها. ما هناك عبادة ما حصلت له ولله الحمد غير الحج والعمرة. فالله سبحانه وتعالى أخرجه من دار أو من ديار اليمنية إلى المملكة العربية التي تعتبر كذلك في آونة هذه من أفضل البقاع على وجه الأرض, وهي أفضل البقاع على وجه الأرض. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sorti du Yémen pour l'emmener dans le meilleur des endroits sur yani que qu'il y a à la wajh al-ard. Fa kullu hadha yani nahnu shahidun bil a'yun. Et comme je vous ai dit, la personne, c'est ses œuvres qui vont montrer qui il est. On a pas ma hu kalam wala ses œuvres. إذا كان ما زال في طلب العلم وفي دائرة الفضل ونشر العلم والخير فهذا هو وإذا ترك وأعرض عن الآخرة للدنيا سيرى نعم على كل حال حزننا لهذا الخبر لأنه يعتبر كوالدنا ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبره وأن يعينه على دعوته وأن يختم له بالحسنى ملغتو ودمد على الله عز وجل كي le fasse patienter et qu'il l'aide dans sa da'wa et qu'il lui accorde une excellente fin et qu'il lui accorde une excellente fin. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم تقدم معنا أن خير أسماء الله عز وجل ما هو خير أسماء الله عز وجل ما هو خير أسماء الله لفظ الجلالة الله نعم ومن عنده بينة على ذلك ما هي البراهين على أن لفظ الجلالة خير اسم الله عز وجل qui sait qu'il y a des preuves ou des choses qui confirment que le nom d'Allah est le meilleur des noms parmi ses plus beaux noms. نعم نعم أحسنت يا هارون comme quoi dans la totalité des versets où لفظ الجلالة il est cité en même temps que les autres noms alors لفظ الجلالة مقدم على الأسماء الأخرى le nom d'Allah سبحانه وتعالى lorsqu'il est cité avec les autres noms son nom il prédomine et il devance les autres noms. الله لا إله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم سبق بلفظ الجلالة الحي القيوم c'est un des noms d'Allah عز وجل le vivant est celui qui subsiste par lui-même تمام tous les noms d'Allah ils ne sont évoqués qu'en suivant le nom Allah تمام وكذلك Voilà, c'est la base de tous les noms. Naam. Bah, tous les noms, avec le nom Allah. Billah Zul Jalal. Naam. Car la plupart des adhkar, ils sont venus, ils ont été confirmés avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Lama taqul Allahu Akbar. Qul Allahu Akbar. Ma taqul Ar-Rahman Akbar. Ou Ar-Rahim Akbar. تقول الله أكبر وكذلك لما تقول سبحان الله يجوز لك أن تقول سبحان الرحيم سبحان الرحمن لكن الذي ورد في الشرع سبحان الله تمام وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله فكل هذا تدل على أن اسم الله هو اسم الله الأعظم وتذكرنا أنه ينبغي للشخص أن يدعو الله بهذا الاسم وإن كان هذا هو الواقع والحاصل عند كثير من الناس الذكر ينفع المؤمنين نعم طيب وما معنى الرب هي اسماعيل Al-Rab, Al-Mudabbir, Al-Murabbi, Al-Murabbi, l'éducateur, n'am. Wa tarbiyatullah, kama tadhakarna, mada ya Hamza, tarbiyatullah, يعني تنقسم الى قسمين. Elle se divise en deux. Mahi. Naam. La tarbiya, yani l'éducation d'Allah globale, celle qui englobe les mécréants comme les musulmans, et celle qui est spécifique pour les musulmans. طيب. لما تتعلم العقيده والفقه واللغه العربيه هذا تربية صح lorsque tu apprends la aqida, la croyance, ainsi que le fiqh ou la langue arabe. Ça, c'est une éducation qui vient de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et cette éducation là elle est globale ou elle est spécifique? Ismaïl, elle est khas, khassa, wa tastalzim at-tawfiq. Et elle sous-entend le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a fait réussir pour cette éducation. Non. Car il l'a réservé pour ses alliés, pour ceux qu'il aime, les croyants. Non. طيب. فالعرش ما هو العرش يا عثمان؟ العرش سي كوا؟ Dans la langue arabe, oui. Le lit du roi, c'est l'Irul Malik. Non. وهل هناك شيء فوق العرش؟ عثمان أو ها؟ هل هناك شيء فوق العرش؟ الله؟ هل يوصف الله بأنه شيء؟ ها؟ نعم؟ ايش الدليل؟ ايوه احسنت، قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله في سوره ماذا؟ انعام. نعم. دونك الله سبحانه وتعالى فوق العرش. طيب، والان اذا قلت هل فوق العرش مخلوق؟ Est-ce qu'il y a une créature au-dessus du arche? Ha, Mohamed? Hein? Non. La? As-salaf yaqulun al-arsh a'la ma'a'la makhluqat. Ils disent que l'arche, c'est la plus haute des créatures. Certains salafs disent que l'arche, c'est la plus haute des créatures. Est-ce qu'on comprend cette parole de certains salafs qu'il n'y a aucune créature au-dessus du arche? Ismaïl. Mabillah, hali bab aqida. Ta'lam fabihi wa ni'ma. Ma ta'lam taqul Allahu a'lam. Ma fi ijtihadana. الله هو الخالق اي بس الان نو نباديك يعني نو نباديك الله سبحانه وتعالى المخلوق نو نو انت دوموند اون تو دوموند است كيليا اون كرياتور اوتسو دو عرش تمام اون ا فيو كيليا اون شوز اوتسو دو عرش وهو الله طيب انتهينا منه است كو En gros, ma question c'est est-ce que avec Allah Azza wa Jal, et ça ne sous-entend pas que cette créature-là elle est au-dessus d'Allah Azza wa Jal, hasha wa kalla, mais est-ce qu'au-dessus du trône, il y a une créature? Allah a'lam. Naam. Ma min ahad 'indahu al-jawab. Aba Zakaria, ma nasma'uka hadhihi al-ayyam. Allah a'lam. لا ولا Fala nusbita. Al-aslam, si on n'a pas de dalil, on ne peut pas confirmer une chose qu'on ne connaît pas. T'as vu ? Si on n'a pas de dalil, on ne peut pas confirmer une chose qu'on ne connaît pas. Allez, c'est qu'à l'heure, c'est Amar. Naam. Fa. هناك حديث يا حديث دفخ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق lorsque الله سبحانه وتعالى crée la création كتب في كتابه كتب في كتابه كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي والحديث متفق عليه والحديث متفق عليه c'est quoi qu'est-ce qui nous intéresse du hadith le prophète sallam dit d'après un hadith d'Abi Huraira que Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a créé la création Il a écrit dans son livre qui se trouve auprès de lui au-dessus de, du Arche. qui se trouve auprès de lui au-dessus du Arche. Il a écrit Inna rahmati taghallaba ghadabi. Certes, ma miséricorde a eu le dessus sur, sur mon, ma colère. Tama. Falamma. سئل الشيخ يحيى عن هذا السؤال قال أجاب بهذا الحديث بمعنى فوق العرش هذا الكتاب بنص هذه هذا الحديث تمام والإمام ابن حجر ذكر عدة أقوال بعضهم قالوا أن هذا ليس كتاب مخلوق إنما هو عبارة عن كلام تمام إنما هو عبارة عن كلام ثم في الأخير قال ويعني الناس أولوا ظاهر الحديث لاستبعادهم أنه يوجد فوق العرش مخلوق ولا يستبعد ذلك لأن العرش مخلوق تمام الإمام ابن حجر يدي Et c'est une faïda qui rejoint ce qu'on est en train de voir dans la Aqida. Il dit que les savants d'Ahl Sunnah, certains savants de Ahl Sunnah, ils disent que le but visé du livre là, c'est pas vraiment un livre. C'est plus une parole. Une parole. C'est pas une créature. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est au-dessus du Arsh, mais c'est pas une créature. Tamam? Comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit. كتب الله لأغلبن أنا ورسولي الله a décrété qu'il va avoir le dessus lui et ses messagers تمام ça c'est pas كتب الله يعني c'est pas une écriture c'est une parole تمام donc certains savants ils ont dit dans ce hadith là c'est une parole c'est pas un écrit c'est pas un livre comme on pourrait le comprendre au premier sens du terme. Tamam? Et après, l'imam ibn Hajar il dit que eux, pourquoi ils sont partis à Awwal ? Pourquoi ils sont partis à changer le sens apparent du hadith ? Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que c'est impossible ou c'est interdit de penser qu'il y a une créature au-dessus du Arsh. Et l'imam ibn Hajar il dit que le fait de penser cela, c'est pas... Il n'y a rien qui est interdit de penser qu'il y ait une créature au-dessus du Arsh. Parce que le Arsh, c'est qu'une créature. Donc, ce n'est pas comme si tu disais il y a une créature au-dessus d'Allah Azzawajal. Fahimtum ? Donc là, on ferait quoi alors ? Là, selon le peu de règles qu'on a vu dans l'Esma wa Sifat, Baqa al-Nas min al-Kitab wa Sunnah ala Zahire. On laisserait le sens apparent du texte. comme il est. نعم. وهذا هو الصواب في هذه المسألة فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله في كتاب وهو عنده فوق العرش. نعم. Donc, comme lorsque vous entendez que les salaf ou certains salaf ils disent que yani al-arsh a'la al-makhluqat hadha 'am wa hunaka ma yukhassisuh 'am makhsus. طيب, donc c'est la parole des salaf, c'est une parole globale et il y a des exceptions. Exceptions faites du livre en question. Et certains savants, ils disent, comme l'a évoqué Ibn Hajar, ils disent que c'est Lawh al-Mahfouz. Ils disent que c'est Lawh al-Mahfouz. Voilà, il se tabarde d'arak. Taïb. N'aktafi bi hadha al-qadr fi hadha al-dars.